Pédale Scandale à Saint-Étienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là c'est pour mes suceurs. Ouais toi aussi là. Pour mes Dylan, pour mes Beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul camarade. Depuis quand on baigne dans cette division cis-hétéro-patriarcat-coloniale des corps entre pénétrables et impénétrables? Par où passe la racialisation et la colonisation des corps en matière de sexualité, en particulier d'analité? Comment nos pratiques sexuelles, notamment anales, jouent sur nos rapports à nos corps, nos genres et sur les dynamiques de pouvoir en général? Qu'est-ce qui change dans nos sexualités quand on transitionne? Pourquoi féminité, passivité et donner son cul sont souvent liés dans cette société? Spoiler, misogynie et culture du viol. Qu'est-ce que les Gwyn, les Bi et les PD ont à s'apprendre mutuellement en matière de dilatation? Quelle est la meilleure technique de douche anale? Tu veux essayer mon nouveau God avec la tête qui tourne et qui pulse en même temps? Pourquoi c'est si difficile de parler de nos culs, même entre queer? Est-ce que le cul c'est sale? Si oui, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça doit toujours faire mal la première fois? L'épidémie du VIH-Sida étant loin d'être terminée, ça veut dire quoi d'hériter en tant que queer des milliers de morts qu'elle a laissés? Tu me passes le lieu, bébé? Tu préfères pas l'huile de coco? Tu sais bien que c'est pas compatible avec le latex? Est-ce qu'il y a moyen de placer les mots sodomie, fist et prolapse dans un colloque universitaire? Comment se mettre à l'écoute de nos culs, de leurs traumas et de leurs peurs, de leurs désirs et de leurs fantasmes? Où et quand on se raconte et on rassemble nos archives érotiques, queer, les savoir-faire et techniques du cul, accumulées pendant des lustres dans les marges parfois effrayantes mais aussi excitantes de la société cis-hétéro? Bonsoir, vous êtes en direct sur le 89.5 de Radio Dio. Bienvenue dans une nouvelle émission de Pédale Scandale, l'émission PD que vous pouvez écouter tous les deuxièmes lundis du mois à 20h30 en direct sur le 89.5 à Saint-Étienne et en streaming sur radiodio.org partout ailleurs. Vous venez d'entendre un extrait de la préface du livre Enculé, Politique anale, sorti aux éditions Les Grillages en 2023. Et vous l'aurez compris, ce soir, on va vous parler de cul, enfin plus précisément, de sexualité PD et de pénétration. Parce que pour nous, notre manière de faire du cul ou de ne pas en faire, elle est éminemment politique, elle est bien imbriquée dans tous les rapports de domination qui nous traversent. Encore une fois, nous ne partons pas des mêmes endroits en matière de sexualité et il nous a fallu pour certaines un long travail pour se la réapproprier. On a choisi de vous parler de pénétration, car si elle est la norme dans la sexualité hétérosexuelle, elle est aussi bien centrale dans nos sexualités de PD, une injonction même pour certaines. Parfois, on pourrait même se demander si la légitimité à être PD ne passe pas par là, la pénétration anale, pénétrer ou plutôt se faire pénétrer d'ailleurs. En tout cas, c'est bien comme ça qu'on est vu par l'ensemble du monde hétéro-cis-patriarcal et de là que viennent les insultes qu'on subit. Mais le cul, c'est aussi pour certaines d'entre nous un des endroits de kiff, de plaisir, parfois de fun, même une sacrée manière de reprendre du pouvoir sur nos vies. Alors ce soir, on va vous parler de nos pratiques sexuelles de pédale et on va essayer de démystifier la pénétration et de ne pas en faire un truc que sérieux, qui resterait dans la chambre et l'intimité du couple, mais aussi de rappeler que ça peut être des moments juste liés à du plaisir et de la rigolade entre potes, ou même avec des inconnus dans un sauna ou dans d'autres lieux de cruising. Ce soir, on expérimente. En plus des habituelles chroniques, témoignages et musique, on s'est lancé dans des tutos et dans un reportage sportif en exclusivité. Et parce que à Pédale Scandale, il y a aussi des PD trans, et donc des personnes avec des chattes, et même des toutes nouvelles chattes, on va aussi vous parler de pénétration vaginale, parce qu'elle aussi, elle peut être synonyme de plaisir. Avant de commencer, on voudrait rappeler que la sexualité, notamment la pénétration, elle est pour certaines liée à des viols, des agressions, à des souvenirs traumatisants. Alors si jamais tu sens que là, c'est pas le bon moment pour toi, peut-être tu peux t'arrêter là. Et pour les autres, bonne écoute. Et on espère que cette émission t'excitera autant qu'elle a pu en exciter certaines pendant sa préparation. J'ai viscère Lara, j'ai viscère Clara, j'ai pépon Dylan et j'ai viscère Manon, sa bibi la coco, sa bibi des barrettes, sa bibi l'extasy, sa bibi le gazon, le policier veut me fouiller. Petit sourire quand il me dit qu'il a le bras long, tu voulais du jaune, tu voulais de la perte, tu voulais de la planche, t'auras du marron, un gramme dans le youf, aïe, deux grammes dans le youf, aïe, un kilo dans le youf, aïe, deux kilos dans le youf, aïe, tout est dans le trou de balle, tout est dans le trou de balle, tout est dans le trou de balle, tout est dans le trou de balle. J'ai commencé dans un parc sur une mini-bosse. J'ai tellement pépo qu'il a le zizi mauve. Le fait sodomie, dep comme Johnny. Mini-dose de prep, je suis dep comme Lily Rose. En pleine ascension, regarde mon terre. Si attention, je casse mon tête. Ram dans le fion, je bois ton sperme. Tape, tape dans le fond, je suis pas ton père. Je craque, je me défoule contre des terfs. Clap, clap, c'est le bruit de tes poules contre mes fesses. Un gramme dans le youf, aïe. Deux grammes dans le youf, aïe. Un kilo dans le youf, aïe. Deux kilos dans le youf, aïe. Tout est dans le trou de balle. Tout est dans le trou de balle. Tout est dans le trou de balle. Tout est dans le trou de balle. Moi c'est Ruby et je voulais vous parler un petit peu de d'Enculé, politique anale, qui est sorti en décembre 2021 aux éditions Les Grillages. Et j'étais direct attiré évidemment par le titre, vendeur, et aussi par le nom de Javier Saez que je connaissais pour ses écrits Marica, Transfeminista, assez radicaux et super drôles, et qui notamment avait cette espèce d'originalité que je trouvais par rapport au contexte français d'apporter des perspectives PD, très nourries et façonnées par les pensées transféministes et queer. Voilà, et qui lit depuis son vécu de PD, qui lit et traduit Butler, Wittig, Albert Stamm, qui est lié aux mouvements sociaux anarcho-queer, transboyer America, au mouvement des occupations, des squats, qui a aussi un rapport que je trouve intéressant à la psychanalyse, un rapport assez, assez pervers. Mais il y prend ce qui l'intéresse, comme dans le chapitre là sur Freud, dans le livre. Et je trouve ça plus intéressant que des fois les simples rejets. Et cette idée de politique anale, de poner le culo, ça m'excite aussi pour des raisons assez personnelles, puisque c'était un moment de grande connexion avec ma sexualité anale. En fait, très vite, en lisant ce livre, j'ai senti, j'ai découvert plein de trucs, j'ai appris plein de trucs, et c'était vraiment passionnant. Mais aussi, je pense, ce truc d'un livre assez simple à lire, enfin en tout cas simple, accessible, dans lequel c'était facile de rentrer, et j'avais l'impression qu'il pouvait être comme injecté d'une manière assez évidente dans plein de discussions communautaires, des espaces PD, queer, TPG que je fréquentais à l'époque, il allait pouvoir aussi servir quoi. J'ai eu cette sensation là que c'est quelque chose dont on allait pouvoir se saisir. J'avais lu avant des philosophies, des théories, des textes plus conceptuels sur l'anal, sur l'analité, notamment des PD comme Guy Ockenheim ou Léo Bersani, mais aussi Paul Preciado. Et à la fois ça me stimulait vachement, à la fois je trouve que c'est difficile à amener dans la conversation pour des personnes qui ont pas forcément le goût ou l'habitude de ce langage-là, conceptuel académique. Et j'avais l'impression que, enfin, en tout cas, très vite, Paul Elclos, ça m'a marqué. Il y a des réflexions que je trouve hyper fines, hyper complexes, mais qui vraiment sont fabriquées au contact de pratiques sexuelles, de pratiques politiques, et qui se construisent à partir de savoirs issus de l'expérience. Des savoirs issus des cultures gays, des cultures queer, des cultures du fist, des pratiques de God, des pratiques BDSM. Et en fait, toutes ces espèces de savoirs sexuels fabriqués par les communautés queer, marginalisées, stigmatisées, dans l'histoire récente, quoi, J'avais aussi la sensation que ça, c'est des trucs super importants à archiver, à garder, mais aussi voilà, à constituer comme le socle à partir duquel on pense. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Ça m'a direct fait penser à un passage d'un bouquin du Guillaume Dustan dans lequel il dit que voilà, tous les savoirs sexuels érotiques dans les communautés gays PD qui se développent en fait avant le début de l'épidémie VIH/SIDA ont été en fait éradiqués. Il y a toute une culture qui a disparu en plus évidemment des individus, des communautés, mais il y a aussi tout un ensemble de savoir-faire, de réflexions, de pensées qui avaient disparu. Et ce livre-là, ça me semblait comme aussi marquer quelque chose dans voilà, conserver, mais aussi rendre dans toute leur puissance des réflexions, des perspectives politiques, des perspectives théoriques qui émanent des pratiques sexuelles queer. Voilà, ça, je trouvais ça vraiment super important. Alors, un deuxième point, moi, dans ce livre qui m'a marqué immédiatement et qui m'a donné envie de le lire, c'est l'humour. Ouais, j'ai été super frappé par ça. C'est assez présent. Dans le livre, dans un truc un peu provocateur, un truc un peu, voilà, aussi qui parfois fait contraste avec des trucs très théoriques et après une espèce de blague pas hyper subtile. Il y a d'autres moments où il est question un peu des différentes des discussions un peu sur l'homosexualité en Espagne et notamment dans l'opposition au mariage pour tous et dans les médias. Et bon, il y a toute une histoire notamment avec l'entraîneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis Aragonés, qui refuse des fleurs offertes par un autre entraîneur et les auteurs reconstituent un peu tout ce qui, dans la masculinité hétérosexuelle, se joue en termes de je ne veux pas accepter que l'on m'offre des fleurs parce que se faire offrir des fleurs, c'est quelque chose qui arrive aux femmes et si on me fait à moi quelque chose qui arrive aux femmes, c'est comme si on me rabaissait, on me féminisait. Les gens qui sont féminisés, rabaissés, les hommes féminisés, rabaissés, c'est les enculés. Donc au final, c'est comme si on voulait me baiser, voilà. Donc il y a cette espèce d'équation entre virilité et impénétrabilité, mais qui est réfléchie à partir vraiment de rentrer dans la tête d'un mec ici cis blanc hétérosexuel qui refuse un bouquet de fleurs. Voilà. Donc il y a toute cette manière un peu drôle d'amener les thématiques du livre que je trouve super intéressante. Ouais, je crois que le dernier point qui m'a intéressé, c'est la manière dont ce livre il propose à partir des questions anales de construire la radicalité d'une position politique PD, à partir notamment d'une discussion, d'une revalorisation en quelque sorte, ou d'une manière de rendre, de reconnaître la puissance ou de mettre l'accent sur la puissance notamment de la position de passivité anale. Voilà, la position de l'enculé en fait, la position de celui qui se fait prendre, celui qui donne son cul, celui qui se fait enculer. Et tout ce que ça a comme implication en termes de stigmate social dans la construction de l'homophobie, mais aussi dans la construction du genre. Et voilà, quelle place en fait ça donne au PD dans l'ordre social, culturel, dans l'ordre politique. Et c'est une analyse qui s'effectue aussi dans le livre en termes de genre, avec une crise d'analyse transféministe et queer. Que je trouve extrêmement intéressante pour penser en fait la position un peu voilà, marginale, liminale un peu du PD par rapport évidemment aux normes sexuelles, mais aussi aux normes de genre, à la masculinité, et aussi, ça c'est moi qui l'ajoute parce que les auteurs vont pas vraiment jusque-là, mais aussi à la cis-identité. Voilà, et comment la position de la passivité anale et son assignation à une position féminisée, à une position de masculinité détruite en fait, mais aussi mais aussi un rapport à soi-même, aux limites de son corps, qui est poreux, comme ils disent, ou en tout cas qui est marqué par ce truc de réceptivité. Tout ça, le reprendre, le revaloriser et voir ce qui se passe en termes d'émotions, d'affects, de politique, quand on se fait baiser et que, on est un PD, en fait, et qu'est-ce que ça joue dans notre place dans la société. C'est quelque chose, je trouvais ça vraiment, vraiment fort et vraiment intéressant. Il y a tout un truc aussi intéressant sur, ben, on est en train de parler de langage, mais à un moment donné, ils discutent un peu les auteurs comment on peut se changer le langage, parce qu'on est toujours coincé un peu dans ces histoires de passif-actif, y compris enculé, enculeur, je ne sais pas comment on dirait, celui qui encule n'est pas vraiment marqué culturellement, politiquement. Et du coup, à un moment donné, ils reprennent des termes de l'argot. Gay PD espagnol notamment, muerde almohadas, donc celui qui mord l'oreiller pour donner la position de celui qui se fait prendre, et soplanucas, celui qui souffle dans la nuque pour la position de celui qui pénètre. Et voilà, je trouve ça intéressant aussi ce truc de réinventer du langage au-delà de qui se défasse aussi des binarismes, des binarismes qui sont aussi des binarismes de genre, qui sont aussi des binarismes sexuels. Ouais, toutes ces raisons-là m'ont donné envie de traduire ce livre et pas toute seule. On s'est lancé dans ce projet avec une petite bande. Moi, j'ai appelé des potes que je connaissais des trucs PD dont je savais qu'ils parlaient espagnol, et on s'est lancé comme ça tout un petit réseau pour sortir ce livre. Vous êtes en direct dans Pédale Scandale sur Radio Audio 89.5 FM et en streaming sur radioaudio.org. Et ce soir, on parle de pénétration, de cul. Voilà, du coup, c'est peut-être bizarre si vous êtes dans votre voiture et que vous tombez sur l'émission. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait envie de réagir à ce qu'on a entendu. Ouais, alors on vient d'entendre en fait une interview que Ruby, du coup, une des personnes traductrices de ce livre, avait faite pour l'émission Féministe comme un ouragan à la sortie du livre Enculé politique anal. Et je crois qu'il y a une personne qui avait envie de réagir en studio. Tout à fait. J'avais envie de réagir parce qu'il y a un mois de ça, on m'a offert ce livre et du coup, ça tombait très très bien parce que c'était vraiment en thématique avec l'émission d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui m'a offert ce livre, qui se reconnaîtra en écoutant l'émission de ce soir. Et j'ai été surpris dès le début parce qu'à la enfin, à la préface, je me suis rendu compte qu'en fait, Ruby, je l'avais rencontré, que dans la préface, ça parle du web. Le web, c'est les week-ends PD qui sont organisés, des week-ends de rencontres entre PD. Et j'ai fait mon premier web, et lors de mon premier web, je crois que c'était à la première journée, il y avait un atelier qui était proposé, qui s'appelait un atelier sur le cul, le sexe anal et les enculés, pour parler plaisir, violence, puissance et force. Et du coup... Bah, moi, c'était mon premier web, j'avais l'impression de débarquer dans l'univers queer, et j'étais en mode waouh! Et là, j'étais, bah, où je me sens pas du tout d'aller aborder ces sujets-là avec des gens que je ne connais pas du tout. Puis après, je me suis dit, en même temps, si je le fais pas là, dans un web, où est-ce que je vais le faire? Donc j'y suis allé, et puis, bah, retour d'expérience, super. En fait, j'ai envie de. Vous conseiller de faire ça, de, je sais pas, de vous retrouver à plusieurs et. De choisir un extrait du livre, par exemple, et puis de se dire, oh, ça fait une petite base de discussion, puis on part d'un extrait, puis en fait, de fil en aiguille, on parle de nos expériences perso, et puis après, ça parle de la manière dont on fait son lavement, pourquoi j'ai envie d'avoir le cul propre, genre, ah ben là, si j'ai le cul propre, moi, il faut qu'on me prenne ce soir parce que je ne me suis pas nettoyé pour rien. Ceux qui étaient en mode, ah, mais moi, de toute façon, on prend comme je suis, je ne vais pas me faire chier à me laver avant. Enfin, il y avait plein de. d'avis sur la question. C'était chouette d'entendre tout ça. Et mais du coup, je ne vais pas en faire tout un chapitre sur le lavement, parce que sans vouloir spoiler, on va y revenir plus tard dans l'émission. Voilà, tout ça pour dire que c'est très drôle de lire ce petit bouquin avec donc le gros titre « Enculé, politique anale » quand on est dans le train, que moi je suis en train de regarder les mots de fléchés de la petite grand-mère à côté de moi, puis je me dis « Ah, si elle, elle fait pareil, elle va être un petit peu étonnée ». Mais j'ai pas été jusqu'à lui poser la question de savoir si elle avait lu le titre de mon livre. J'avais très envie, mais je l'ai pas fait. Je pourrais vous parler plus précisément du bouquin, mais en fait, Ruby l'a très très bien fait, donc... Maintenant, je vous invite juste à aller le lire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je pourrais vous dire que la musique qui va suivre, c'est The Other Brothers, I Wanna Fuck You in the Ass. Vous l'aviez espéré depuis tant d'années. Bienvenue aux premières éditions de ces JO du cul. Et au programme, une course de plug. Relais double god. Le bras de fer du plug. Et la course de char plug dans le cul. et d'autres épreuves dont on vous laisse imaginer la teneur. C'est en tout 150 participants et participantes réunis en 15 équipes différentes qui se retrouvent pour s'affronter pendant ces 10 jours de JO du cul. Et on vous laisse découvrir d'ici peu les premières épreuves qui ne vont pas tarder à commencer. En attendant, on vous laisse avec une petite page de lube. Relaxez-vous, détendez-vous, mettez-vous à l'aise pour profiter pleinement de ce sport de haut niveau. Et ils sont tous sur la ligne de départ en train de se préparer. On voit les différentes techniques avec lubrifiant, sans lubrifiant, avec du gravier. Il a plutôt choisi un lube à l'eau parce qu'il sèche très vite. Alors que notre partenaire aura pris du silicone, très engagé comme choix. On sent une certaine sérénité face aux autres. Il le montre bien en venant duisant avec énormément de lubrifiant silicone son plug. Et c'est comme ça qu'il joue sur le moral de ses adversaires. Tout commence avant la ligne de départ. Dans le regard et dans le ploc d'entrée, les fesses fermées, le top départ. Et ils se mettent en position. Et c'est parti. Et on voit le numéro 5 qui prend de l'avance. Mais qui part peut-être un peu trop vite. On voit son plug qui commence à ressortir et il est obligé de ralentir pour pouvoir resserrer les fesses. Le numéro 8, quant à lui, part en sautant un pied joint, ce qui est fort judicieux, vu la quantité de lubrifiant silicone qu'il a mis. Alors que nous avons une alliance très incroyable entre le numéro 4 et le numéro 3, ils se mettent dos à dos et courent en faisant des pas chassés pour retenir mutuellement leur god. À quel moment ils devront choisir de se séparer car un seul ne pourra gagner. Et le numéro 13 qui échappe son plug et qui le rattrape avant même qu'il touche le sol pour le remettre en place. Oh, quel joli geste technique, on sent le professionnalisme. Il était à deux doigts de la disqualification si son plug était tombé par terre. Ce qui est le cas du numéro 7, il vient de perdre son plug. Et c'est donc le numéro 15 qui arrive premier avec sa technique incroyable de la roulade. Contre toute attente, il a réussi à se propulser au-devant de tout le monde et à lâcher son plug juste de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Salut la performance, cette année sera la victoire de la roulade. Merci pour ce reportage sportif, très, très amusant. Moi, j'ai un peu peur parce que c'est ma première chronique. mais du coup, on voulait parler un peu de l'injonction à la pénétration. Puis il y avait une personne qui devait nous faire un petit truc dessus. Puis au final, ça s'est pas fait. Puis une autre personne. Puis au final, ça s'est pas fait. Et bref, je me suis retrouvé du coup à écrire un petit truc tout à l'heure, juste avant de venir. Voilà. Du coup, je vais vous le lire parce que ça sera plus simple comme ça. De base, j'avais envie de préparer un truc un peu théorique, bien entendu, sur l'injonction à la pénétration, parce que je trouvais ça important qu'on en parle à un moment dans cette émission. Mais en écrivant, je me suis retrouvé face à mon rapport à la pénétration et ce que c'est pour moi, cette injonction, parce que c'est quelque chose que j'ai encore pas tant pris le temps de réfléchir. Alors voilà, mon témoignage de transmasque un peu pédé depuis toujours, mais réellement arrivé dans le game depuis peu. L'injonction à la pénétration dans le monde pédé, pour moi. Déjà, c'est compliqué de la dissocier de l'injonction à la pénétration dans les rapports hétéros, quand t'es une meuf, parce que j'ai transitionné et que c'est des choses qui me suivent malgré tout. C'est peut-être là où je vois un point de jonction entre le monde hétéro et le monde homo. Comme si quoi qu'il arrive, qui que tu sois, c'est un goal à atteindre, un plaisir obligatoire si tu veux pouvoir dire que t'es épanoui dans ta sexualité. Je crois que, comme ça me dérangeait dans les rapports hétéros que j'ai pu avoir, ça me dérange toujours aujourd'hui un peu, dans ma vie de pédé. Ça me dérange parce que avec l'injonction à faire, parce que ça va avec l'injonction à faire et à aimer le cul. Il y a un lien sous-jacent, comme si pour que tu puisses dire j'ai fait du cul, il fallait que ça inclue avoir fait de la pénétration. Je crois que j'aime bien ça de temps en temps parce que ça fait plaisir et que c'est rassurant de voir que des fois je peux aimer cette chose que la plupart aiment et pratiquent. Mais en vrai, une bonne partie du temps, pour moi, la pénétration, ça va avec la masturbation. C'est un truc que je kiffe quand je suis tout seul et que j'ai pas de regard extérieur sur mon désir. En découvrant ma vie de PD et la sexualité qui va avec, j'ai comme redécouvert la pénétration, comme une chose nouvelle avec laquelle je pourrais enfin prendre mon pied. Être entouré de copains pédales qui kiffent ça, ça a été un peu comme une révélation. Ouais, si j'aimais pas tant ça avant, c'est parce que j'avais pas découvert le plaisir du trou du cul et de la possibilité de moi pénétrer. Je crois que l'aspect nouveau peut être kiffant et ça m'a rendu curieux. Mais pour l'instant, ça n'a pas non plus changé grand-chose dans mon rapport à la pénétration. C'est toujours un truc dans lequel je suis pas à l'aise quand c'est avec d'autres gens, et l'idée que c'est un passage obligatoire dans la sexualité est toujours présente, et m'amène toujours autant de contradictions. Je ressens toujours ce truc qui me dit que j'aime vite fait, que si j'aime vite fait ça, c'est parce que j'ai pas encore assez essayé, qu'un jour ça va venir, et que tant que ce jour-là est pas encore venu, je suis pas encore tout à fait pédé. Ce rapport compliqué avec la pénétration, ça fait aussi que j'ose pas trop parler de cul avec mes copains pédales, parce que j'ai l'impression que je vais être à côté de la plaque et que dire ces choses, c'est comme un aveu de faiblesse, de non-appartenance. Et j'ai l'impression que cette retenue, ça montre bien qu'il y a une forme d'injonction à la pénétration dans nos milieux. C'est pas évident de parler de ça pour moi, mais ça me saoulait de me dire que comme je suis pas à l'aise avec ça, j'allais du coup pas en parler et rester en retrait de cette émission. Alors même si ça explique pas grand-chose, j'avais envie de dépasser un peu mon malaise et de vous raconter un peu où est-ce que j'en suis. Voilà. Et on va écouter la contribution d'une autre personne. Et c'est parti. Une contribution qui est arrivée il y a quelques jours. Injonction à la pénétration. Écrire un truc là-dessus, comme ça, sans trop réfléchir, dans un train propulsé à vive allure, qui fend l'air et traverse le pays d'ouest en est. Challenge. Défi. Énigme. Gageur. Je me lance, bercé par la vitesse, baigné dans l'ambiance feutrée d'un TGV pas si bondé. La pénétration. Sujet de pédale. Et s'il n'y avait pas plus hétéronormatif que le rapport obsédé des PD à la pépénénétration, pétri de tous les codes de la sexualité hétéronormée. J'ai pas beaucoup réfléchi à la question, mais dans mon histoire perso, la pénétration a été d'abord, avant de sortir du placard, le sacre de fin de virginité. J'avais couché avec une meuf. Puis elle a été le symbole, après la sortie du placard, d'une grande peur, fruit d'une aversion millénaire de l'humanité pour la sodomie. Être un enculé pour de bon. L'injonction a alors donné lieu à une énigme. Qu'y a-t-il de si fascinant, de si passionné dans le trou de balle? J'ai l'impression qu'il y a une quinzaine d'années, on entendait beaucoup moins de choses sur la question. Les hétérosexuels ne parlaient pas encore de l'orgasme prostatique comme de la découverte du début du siècle. Pour moi, ça a donc commencé, timidement et lentement, par une pratique prude et solitaire. L'onanisme me permettait de me familiariser avec une pratique sexuelle tant et tellement marquée par le tabou, la honte, la haine, le dégoût et le danger. Je n'y comprenais pas grand-chose, on ne m'avait pas appris et, faute de partenaire, il fallait m'instruire seul. Mais puisque j'étais pédé, il fallait bien que je m'y mette. Quelques années plus tard, j'avais pénétré mais ne l'étais pas encore. Un de mes partenaires tenta bien de me détendre l'anus, mais en vain. J'étais décidément trop coincé du cul. Il a fallu un peu de temps encore et d'entraînement pour parvenir à m'ouvrir tout autant l'esprit que l'orifice et m'initier aux joies de la sodomie. Pour autant, je ne comprends toujours pas l'obsession de certains pour l'assignation des rôles, actif-passif, et ce que cela insinue, à savoir la reproduction d'une vision du « bon » ou du « vrai » sexe dans l'homosexualité masculine. D'une, pourquoi considérer que, comme dans les rapports hétéros, l'acte passe nécessairement par la pénétration et même, in fine, par l'éjaculation? De deux, pourquoi faudrait-il encore choisir un rôle, une position, un statut, une place? Que nous dit la propension des gays, probablement renforcée par les applis et les pornos, à reproduire l'homme, l'actif, et la femme, le passif, dans l'imaginaire du sexe bien fait? Et peut-on résister à cette injonction permanente à se situer en haut ou en bas, ou au-dessus ou en dessous de l'échelle du cul? De trois, de quelle infinie multitude de gestes, positions, pratiques, cette fixette sur la bite dans un trou nous détourne-t-elle? De mon côté, je ne sais toujours pas trop comment me situer, mais je reprends volontiers à mon compte cette réponse qu'un copain m'a suggérée à la question souvent incontournable « actif ou passif ?» et qui, me semble-t-il, détourne habilement l'injonction à se pénétrer. Surprise ! Non seulement elle déjoue l'obligation à définir son rôle, mais elle laisse aussi entrevoir que le coït pourrait peut-être se passer, si ce n'est de sodomie, du moins de normes, pour mieux se déployer dans un labyrinthe de bécotage, butinage, câlinage et autres caresses, tendresses, mains aux fesses, qui seraient finalement autrement plus inventives, imprévisibles et subversives. Merci pour cette chronique. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur l'injonction à la pénétration. En tout cas, moi, ce que je trouve un peu de commun dans les deux chroniques, là, c'est que ça reste un tabou quand même, et que du coup, la découverte du plaisir anal, elle est d'abord, pour beaucoup d'entre nous, solitaire, on va dire, avant de pouvoir la partager avec d'autres personnes. Et moi, j'ai eu aussi d'autres retours de PD6 qui ont réussi, a priori, dans ce qu'ils me racontaient, à se préserver de cette injonction et à me dire qu'ils avaient pu avoir des relations longues avec des personnes et où il n'y avait pas de pénétration qui était pratiquée. Du coup, c'est aussi possible de... oui, il y a aussi... On peut le rappeler. Il y a plein d'autres manières de faire du sexe et de procurer... ou de se procurer du plaisir. On enchaîne sur un petit montage d'histoire de plug. Après, dans quel contexte le plus insolite t'as mis un plug? Alors, si j'ai mis un plug en moi, je pense que c'était au... j'étais au lycée et c'était un gars avec qui je sextotais et qui m'a dit de venir au lycée sans sous-vêtements et en portant un plug pendant toute une journée. Mais j'ai tenu, je crois, la matinée avant qu'on couche ensemble dans une cage d'escalier. Dans une cage d'escalier, juste après l'avoir acheté pour le tester direct dans la rue. J'ai mis plusieurs fois des plugs pour commander en boulangerie. Bonjour, un croissant et une chocolatine, s'il vous plaît. Une fin de matinée d'hiver à Paris. Un plan grinder tout à fait banal. J'ai décidé de mettre un plug pour le retrouver. Dans le métro, puis dehors, à pied. Et enfin, devant la porte de son immeuble. J'avais extrêmement froid en cette matinée. Et après avoir attendu 20 minutes devant la porte, je me rends compte que le type m'avait mis un lapin. Dans l'espace nurserie d'un Inuit TGV, pas plus tard qu'hier. Après, j'ai jamais mis de plug dans des contextes vraiment bizarres, mais du coup, je me suis dit que j'avais trop envie d'essayer pour mon prochain cours de théâtre classique. Voir si ma diction des alexandrins, elle change avec un plug dans le cul. Pendant un rendez-vous RSA, pour deux fois plus de plaisir. Quand j'habitais les rues pavées du Vieux-Lille, je mettais souvent un plug pour faire du vélo. Dans cette émission, évidemment. Mais comment ça, un doigt dans le cul? Ah non, faut pas le voir comme ça, hein. En fait, c'est un massage. Avec son doigt, il te stimule la prostate. Mais elle est où, la prostate? Dans le cul. Non, elle est entre le rectum et le pénis. Oui, mais pour la toucher, faut passer par le cul. Ouais. Alors, Achille, il a raison, hein. De quoi vous parliez? De la météo. Mais non, on parlait de la prostate. Alors, moi j'ai une petite histoire. De trucs dans le cul, dans des moments rigolos, quoi, auxquels on pourrait ne pas s'attendre, par exemple. Alors, contexte. J'en étais, je pense, à mon 2000e kilomètre en 3 semaines. Et conduire, ça commençait à être un peu fatigant, quoi. Un peu du mal à me concentrer, un peu célébratif quand même, la fatigue, tout ça, bon voilà. Du coup, mon 2100e kilomètre, j'en sais rien, c'est un chiffre au hasard, je dis ça comme ça, mais je pense qu'on était pas loin de ça. Et ben, je me retrouvais aux alentours de... C'était où? Ah, c'était vers Limoges. Je descendais de Bretagne et je me suis retrouvé vers Limoges, en direction des UEH. Et j'avais le témoignage d'un ami qui a un peu des problèmes à se concentrer, comme moi. Il paraît que c'est une pathologie, enfin que ça peut l'être, enfin, tranquille quand même, hein, sur le diagnostic. Et qui, du coup, pour éviter les médicaments, avait décidé de se foutre des plugs dans le cul, un peu au quotidien, quoi. Alors je me suis dit, bon, ultra bien, bah, ça a l'air d'être une solution idéale pour lutter contre le TDA, l'ennui sur la route, et avoir du fun au volant, quoi. Lutter contre la solitude, finalement, et la monotonie du quotidien. Et pour la sécurité, quoi, aussi. En fait, c'est ça, c'est que si on n'est pas concentré, bah, qu'est-ce qui se passe? Hop, risque d'accident. Et moi, comme je suis une bonne citoyenne, donc la sécurité avant tout, et bah, j'ai décidé de tester le plug en voiture. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, je fais une petite pause dans une station-service. Je prends de l'essence, voilà, comme toute citoyenne normale. Je me pose sur le parking, je m'arrête, je sors de mon véhicule, je passe à l'arrière de mon véhicule, c'est un jumpy du coup, voilà, vous imaginez quelqu'un qui rentre dans le coffre de son véhicule et qui s'enferme et qui claque la porte. Pour du coup me munir de mon plug qui est un peu une sorte finalement de c'est un bon plug quoi, c'est un petit gold vibrant quoi. Ah non, ouais, c'est ça, j'en avais pris deux. J'en avais pris un plug un peu dur. Que là, hop, je me le suis foutu dans le cul direct. Et un petit plug vibrant qui... bon, voilà, je l'ai pris en plus, quoi. Je vous raconterai un peu mieux par la suite. Tac. Petite serviette de toilette quand même sur le siège. Ça peut salir, tout ça. Et en avant, guingant, quoi, je repars sur les routes du Limousin. Je me suis pas senti à l'aise tout de suite de baisser mon pantalon et de coller mon gold vibrant contre... Du coup, en fait, voilà, c'est ça. Mon astuce, c'était du coup de mettre mon gold vibrant, du coup, une sorte de gros vibro, quoi, collé contre mon plug anal qui était du coup dans mon cul pour faire vibrer le gold qui avait dans... Enfin, le plug qui avait dans mon cul. Donc là, voilà, du coup, j'étais avec mes deux petits jouets comme ça. Et voilà, sauf que voilà, station-service, petite ville et tout, on est sur les départementales, on n'est pas sur l'autoroute. Du coup, on passe dans les villages et tout, quoi. C'est un peu rigolo, les ronds-points dans les virages, enfin, dans les virages, dans les villages. Avec le pantalon baissé, la queue à l'air et un gode dans le cul. Mais en tout cas, voilà, en termes de sécurité, je suis pas sûr que ça m'ait tant aidé à me concentrer. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a aidé à pas me faire chier, quoi. Normalement, je me suis pas fait chier pendant ce trajet. Les routes du Limousin, incroyable. Vraiment très beau, très, très palpitant, très excitant et tout. J'ai adoré. Attention aux excès de vitesse. Des fois, un peu, les montées de plaisir, d'hormones et tout. Alors, je sais pas exactement ce qui se passe dans ces moments-là au niveau des récepteurs hormonaux, mais il se passe des choses, quoi. On a un peu envie d'appuyer sur la pédale d'accélérateur parfois, ou de pas appuyer du tout. Donc, voilà. Du coup, en termes de concentration, je dirais pas que c'est l'idéal, mais alors en termes de genre casser le train-train du quotidien, extraordinaire. J'ai adoré. Voilà. Du coup, je recommande les routes du Limousin et le vibro dans le cul, ultra bien. J'ai tellement aimé que je me suis branlé deux fois. Et c'est passé super vite, vraiment un trajet très rapide, quoi. Je pense que le soir même, je suis arrivé à Vic-en-Bigorre, forme de bonne humeur et tout. Même pas le petit coup de fatigue, je pense, même pas le petit coup de blues de trop de route, quoi. Non, vraiment, ultra bien pour la bonne humeur. Merci pour cette histoire. Vous êtes toujours en direct sur Pédale Scandale sur Radio Dio. Par contre, la prochaine fois que tu nous envoies un truc, tu fais pas à manger en même temps, s'il te plaît. Mais en général, les auditeuristes qui nous envoient des contributions, s'il vous plaît, pas dans la rue, pas en mangeant. Vous vous enfermez dans votre chambre, dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Et ce sera vachement plus agréable à écouter et plus facile à monter après aussi, s'il vous plaît. Alors, maintenant, là, on va parler de l'injonction à la non-pénétration. En tout cas pour moi, et je sais que c'est grave différent selon d'où on vient, mais du coup je vais parler d'où je viens, voilà. Donc ça m'énerve de toujours me sentir obligé de parler du reste de ma sexualité quand je parle de pénétration, comme pour m'excuser d'aimer ça et garantir aux autres que oui, j'ai bien une sexualité déconstruite et pas hétéro, de forcément parler de BDSM et des autres pratiques que j'ai pour bien compenser le fait que j'aime parfois me faire prendre de temps en temps, parfois ou souvent. Et que j'aime pénétrer aussi. Alors dans ma chronique, je vais aborder rien d'autre que la pénétration et ne pas vous exposer comme justification ma sexualité ô combien épanouie et trans-friendly et qui inclut les doigts et mille autres trucs plus créatifs. Je pense qu'on a inséré une bite ou un god dans ma chatte ou dans mon cul au moins 300 fois durant l'année précédente et je sais que j'ai trouvé ça ennuyeux ou désagréable moins de 10 fois, euphorisant et agréable au minimum 200 fois. Mes stats sont pas très précises, mais le ratio est pas trop mal et il y a peu d'activités que je fais avec un aussi gros potentiel de réussite. Le revêtement intérieur de mon sexe, il est plutôt dingue en termes de sensations. J'aime bien sentir mon et mes trous s'écarter, j'aime bien quand ça tape, j'aime bien que la personne en face de moi m'exprime son désir et me dise qu'elle a envie de me prendre. J'aime bien rentrer dans un cul aussi, me sentir à l'intérieur, et je rêve d'une bite parfois, mais je veux pas échanger ça contre mon vagin. Alors mon kiff ultime, ce serait d'avoir une bite et une chatte, mais je crois que c'est beaucoup d'entre nous qui sommes dans ce cas-là. Bien sûr, je réduis pas une bite au fait de pénétrer, et elle-même peut être pénétrée d'ailleurs, mais là, c'est le sujet. Je pense que ma honte face à la pénétration, particulièrement liée au fait d'être pénétrée, vient d'abord des milieux féministes, d'abord hétéro, puis bi et lesbien. Sans cracher bien sûr sur toute l'influence positive que ça a pu avoir, notamment en termes de consentement dans ma vie, ben, j'ai grandi et j'ai construit ma sexualité autour de posts Instagram qui expliquaient que la pénétration c'était toujours à l'avantage du gars, et qu'en tant que meuf indépendante, on achetait des toys, on se mettait des doigts et on réclamait des cunis à nos mecs à défaut de devenir lesbienne. On faisait pas la salope à quatre pattes. Alors, je comprends pourquoi les féministes, elles ont inventé le mot « circlure », c'est-à-dire action consistant à enfiler, enserrer ou engloutir un élément, doigt, pénis, objet, dans une cavité de son corps comme sa bouche, son vagin ou son rectum. Donc « circlure », c'est un terme qui permet d'inverser le rapport passif-actif. Mais moi, à la limite, je préfère dire que je suis actif pendant la pénétration, que je tope quand c'est moi qui bouge, voire que je dome quand j'étrangle la personne en supplément. J'aime bien aussi être passif, juste genre une étoile de mer bruyante. Et j'en ai marre de trouver que l'expression étoile de mer est beaucoup plus humiliante que charreau ou baiser, et d'avoir peur qu'un jour on me traite de ça après un rapport. Je suis un peu les trois à la fois, et salope aussi, mais ça j'ai quand même beaucoup moins de mal à l'assumer. Justement parce que je crois que dans la notion de salope, il y a le fait d'être active dans le fait d'aimer ça, plutôt que passive comme une étoile de mer. Alors oui, j'ai déjà été dysphorique pendant un missionnaire, mais jamais avec un PD. Quand je fais de la pénétration avec une pédale, c'est jamais comme papa dans maman. Jamais si cringe, jamais pour faire un enfant. À la limite, mommy in daddy, pourquoi pas. D'ailleurs, je me fais souvent prendre par des pédales femmes ou transfemmes, et parfois ça peut me poser la question, la peur qu'elles prennent mes désirs pour une injonction, la peur que ma non-dysphorie vaginale leur crée une dysphorie phallique. De fait, je crois que, comme je vois la bite comme un organe avec plein de possibilités, pas que celle-là, qui est d'ailleurs totalement supprimable, et qu'on en parle avec mes partenaires, pour l'instant, ça n'a jamais donné lieu à du mal-être. Après ma chronique, j'ai quand même proposé à une copine avec qui on partage ses moments de cul de donner sa vision pour pas être le seul à balancer mes projections. La péné, c'est aussi ma solution de facilité pendant un plan Grindr. Je dis, on n'aurait qu'à faire ça si on sait pas trop quoi faire. Moi, je sais que j'aime bien, j'ai une cambrure stylée et 2-3 moves à te monter. Après, en plus, je mouille beaucoup, c'est facile. Et en écrivant ça, en fait, je meurs d'envie de réaffirmer que j'aime d'autres trucs et que les rapports non pénétratifs, c'est trop le fait aussi. Mais là, je sens la boucle de la justification arriver, alors je reparle de pénétration. La pénétration, c'est parfois du sexe mimi, vanille, qui fait du bien aux deux personnes. Et parfois, c'est clairement un roleplay BDSM. On n'aurait qu'à dire que je suis viril et que je te prends comme ma petite meuf qui attend avec des yeux mielleux en tortillant du cul. C'est un peu brutal, intense, on joue grave bien les personnages, on leur trouve des répliques clichés qui font rire et qui excitent. Et puis, on inverse 3 jours plus tard parce que c'était trop fun. Prendre, ça me fait kiffer, ça m'excite. Être derrière quelqu'un, j'aime trop. Par contre, je galère encore avec la crédibilité de pas avoir de tub. Avoir une bite en plastique qui bouge pas forcément de manière coordonnée avec mon bassin, ça me met pas toujours en confiance. Je me sens parfois plus dysphorique à faire ça qu'à être considéré comme un trou par une ou un de mes partenaires. Je me sentirais pas de m'appeler Domi Dom Top trop vénère sur Grindr, par exemple, avec mon god rose fluo. J'ai besoin d'avoir plus confiance en quelqu'un pour le prendre que pour de le laisser me prendre. Oui, vous avez compris. Tu me confies ton cul ou ta chatte, alors mes responsabilités sont plus grandes, il faut que je sois à l'auteur, alors du coup j'essaye. Et ben maintenant, je laisse la réponse de la copine. Du coup, pour répondre à ça, je ne savais pas trop comment parler de pénétration au début et comment faire une chronique sur ça. J'ai l'impression que j'avais testé plein de trucs dans ma vie et que mon rapport à ça, ça a grave changé. Et du coup, je ne savais pas trop comment l'aborder. Et donc, je vais un peu parler de tout ça, en fait, comment ça a changé. Quand j'ai commencé à faire du cul, c'était sur Grindr, donc plutôt avec des gays cis. Et c'était pas facile de répondre à la question actif ou passif. Déjà parce que je galérais un peu à comprendre ce qui me faisait kiffer, moi. Mais surtout parce que j'avais grave l'impression qu'on cherchait à assigner les rôles pour tous les moments qu'on allait passer ensemble. En soi, être actif, c'était pas nul. Mais après, j'avais l'impression qu'une fois que le cul c'était fini, le mec, il attendait de moi que je sois un peu masque, genre un gars protecteur et tout. Et déjà, à l'époque, j'étais hyper nul pour performer la masculinité. et ça me foutait trop la flemme de rester boire un verre avec un mec qui n'arrivait pas à envisager une vraie relation femme for femme. Du coup, je m'étais dit, ben, je dois être passif. Mais être une salope, quand j'étais toute seule, c'était trop excitant. Mais en pratique, me soumettre à l'autre, dans la vraie vie, et laisser l'autre gérer le rapport, me pénétrer, ça se résumait souvent à faire du cul non consenti. Les actifs, ils voulaient souvent être domis, mais ils captaient pas que c'était un jeu, avec des règles, et qu'un jeu, ça s'arrête quand le rapport il est fini. Moi, me faire dominer dans la vie, hors du rapport, plutôt, ça m'excite pas du tout. C'est un peu comme quand je vois les mecs choper leur meuf par le cou dans la rue. Perso, ça me donne envie de détransitionner direct. À un moment, j'en ai eu trop marre de ça, alors je faisais plus du tout de pénétration. Je trouvais des gens avec qui on se caressait, on se suçait, on explorait des trucs ensemble, et en vrai, c'était hyper fun. Le cul, je pense, était pas forcément mieux, mais au moins, c'était vraiment plus simple. Là, dernièrement, je me suis mis à relationner avec des pédales, à transitionner, et je crois que je fais grave plus de trucs dans le sexe. On se frappe, on s'insulte, on sait pas toujours ce qu'on fait, mais là-dedans, je me suis remise à kiffer faire de la pénétration. Des fois, en topant même, je joue le rôle du mec. Vraiment, je prends le mec dans les pornos et je fais ça. J'ai déjà dit des trucs comme « t'aimes ça, hein ?» Et après, on en reparle en rigolant. Je crois qu'on rigole parce que, du coup, on peut voir le cul, la pénétration, etc. vraiment comme une performance. Et après, on peut grave rire de nos personnages. Rire du fait qu'on joue des personnages qui sont complètement éloignés de nous. Je sais pas si je suis crédible dans le rôle du dom top, comme j'ai jamais vraiment été crédible comme gars, mais en tout cas, ça m'amuse plus. Merci pour ces chroniques. Et on écoute le morceau This Boy is the Bottom. He's just a boy, but he's a bottom. Make him try to top, he'll cry. Never even satisfied. It says he's first upon his grinder. Oh. Versatile, yeah, okay. Oh. Girl, you know you're super gay. Oh. One time that he had a gown. His hole is medium rare, and you won't find a head. Stink. This boy is a bottom. This boy is a bottom. I got bucket bottom. Over here, pig. Make my shaft disappear in your rear, pig. Double penetration with you up in here, pig. Are you scared, pig? This goes there, pig. And on your back, door, that's my tongue, pig. Yeah, that's your boy, Gash. Into my twink stash. Keep sucking me. Do it till I'm tucking G. Guess I'm a top, cause ain't nobody fucking me. And now it's time for a breakdown. Never gonna bottom, never gonna bottom. Never gonna bottom, never gonna bottom. Never gonna bottom, never gonna bottom. Never gonna bottom. Never gonna bottom. No, no, no, no, no, no. Never gonna bottom, never gonna bottom. Never gonna bottom, never gonna bottom. Oh. Et voilà, vous êtes toujours sur Pédale Scandale, sur le 89.5 de Radio Audio. Là, j'avais envie de lire un petit extrait de Po, de Dorothy Allison, qui parle des copines lesbiennes, parce que j'ai l'impression qu'à certains endroits, ça a résonné avec, avec le témoignage que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai lu ce bouquin. Et du coup, là, je vais lire un extrait du chapitre Théorie et pratique du God Ceinture. En 1979, l'idée d'utiliser un God était frappée d'anthème chez la majorité des lesbiennes féministes. Être identifiée aux hommes constituait la pire des insultes. J'ai cherché quelque chose qui marcherait aussi bien que la merveille faite maison de Carré, et j'ai découvert le harnais d'esclaves vendu aux gays dans les magasins cuir gay. À la différence des petits gods, avec élastique et ceinture en caoutchouc disponibles dans les catalogues de vente par correspondance, qui m'ont toujours rappelé les ceintures menstruelles, ces harnais tenaient le coup, même durant les parties de sexe les plus harnachées. Une fois remplacé le cock ring en acier prévu initialement pour être passé autour du pénis d'un homme par un autre en caoutchouc, le harnais tenait confortablement et douillettement un god contre un monde Vénus féminin. Avec un peu de pratique, ce harnais rendait même possible l'orgasme mutuel puisque l'arrière du god pris dans le cock ring frottait pile le clitoris de la femme portant le harnais. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la diversité des femmes qui utilisaient un god ceinture. Contrairement aux mythes en cours et à mes expériences passées, il n'y a pas que les couples de lesbiennes butch-femmes qui utilisent ces objets. Ils sont encore moins réservés aux seules lesbiennes cuir ou SM. Depuis quelques années, grâce à des discussions plus ouvertes sur le comportement sexuel au sein de la communauté lesbienne, beaucoup de femmes peuvent parler, faire leur coming out à propos du plaisir de la pénétration et des objets de pénétration. Cela ne veut pas dire que les god michets sont devenus respectables, mais ils sont beaucoup plus répandus. Les femmes qui les apprécient prennent le même soin à parler de leurs désirs qu'autrefois les lesbiennes à parler de la découverte de leur sexualité. Des femmes qui ne croient même pas au point G parlent enfin de pénétration. Voilà, c'est tout. Ben, on en avait parlé dans la dernière émission, mais on rappelle que Dorothy Allison, malheureusement, elle est morte. Elle nous a quittés il y a quelques mois. On avait déjà lu un extrait dans la dernière émission. En tout cas, allez lire ses livres, parce qu'ils sont super, notamment pour... Et on enchaîne sur un tuto dilatation vaginale. Et ben coucou toute l'équipe de Pédale Scandale. Moi en ce moment je peux pas venir aux émissions. Du coup il y a l'émission qui vient à moi dans ma chambre. Actuellement, si vous voulez tout savoir, je suis en train de me mettre de l'eau dans le vagin pour préparer des dilatations. Parce que si je peux pas venir, c'est parce que j'ai eu la bonne idée de me faire faire une vagino il y a comme un peu plus de 2 semaines. Et voilà, puisqu'on parlait de pénétration, et ben moi je me disais que la pénétration anale c'était pas suffisant, que buccale c'était pas suffisant, et que les oreilles et le nez c'était pas suffisant non plus, alors j'ai fait un trou en plus. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe là dans ma chambre pendant que je vous raconte tout ça. Du coup, ce que je disais, c'est que je viens de mettre de l'eau dans mon vagin parce qu'il faut que je le nettoie comme à peu près 8 fois par jour avant et après chaque session de dilatation que je fais. Ou une fois que j'ai mis de l'eau dedans, je mets une seringue à peu près de 50 ml. C'est pas très précis, mais en tout cas, c'est à peu près cette quantité-là. Et après, je vais mettre des dilatateurs les uns après les autres dans ma chatte, hein. Je les enduis de gel de xylocaïne, qui est un gel un peu anesthésiant. Du coup, c'est un peu une espèce de super lube anesthésiant, qui est quand même vraiment plutôt pratique parce que quand j'arrive sur les plus grosses tailles, pour l'instant, même si certains diraient que c'est des petites tailles que j'ai, moi je trouve qu'elles sont vachement grosses et ça fait un peu mal. Du coup, je suis très contente d'avoir un peu de gel anesthésiant. Et voilà, du coup j'ai 5 tailles un peu différentes. La première c'est je pense l'équivalent d'un petit doigt. Et la dernière, je sais pas comment on pourrait la décrire. Je dirais sur Grindr ce serait des gens qui diraient TBM. Mais je suis pas complètement sûr. Ça dépend des personnes je pense. Plutôt BM je dirais. Plutôt BM, bah voilà, entre BM et TBM selon les avis. Et voilà, mais du coup, ça, BM, ça fait un peu mal quand même quand j'arrive à ce niveau-là. Parce que mine de rien, j'ai une toute jeune chatte, elle a que 2 semaines. Et voilà. Et du coup, je commence par la plus petite taille, je mets ce gel de xylocaïne là et que je m'enfonce dans la chatte. Et après, j'attends 10 minutes. Alors, c'est passionnant. Je dois attendre, du coup, je m'occupe de manière assez lambda, soit en discutant avec des potes qui viennent m'interviewer, soit en scrollant sur Insta, mais ça me saoule de faire ça. Je regarde des films, et puis sinon, la dernière fois, j'ai écouté la dernière émission de Pédale Scandale à laquelle j'ai pas pu participer, c'était vraiment trop chouette. D'ailleurs, petit message à l'équipe de Pédale Scandale, j'ai 4 dilatations par jour. Du coup, si vous avez envie de faire 4 émissions par jour, ce serait vraiment trop chouette pour mes dilatations. Voilà. Et ben oui, je dois faire ça pendant super longtemps, en fait. J'ai 4 dilatations à faire par jour pendant 2 mois, puis les 2 mois qui suivent, j'ai 3 dilatations à faire par jour. Puis les 2 mois qui suivent, j'ai 2 dilatations à faire par jour. Puis les 2 mois qui suivent, j'ai 1 dilatation à faire par jour. Puis après les 2 mois qui suivent, j'ai 4 dilatations à faire par semaine. Puis les 2 mois qui suivent, j'ai 3 dilatations à faire par semaine. Puis les 2 mois qui suivent, j'ai 2 dilatations à faire par semaine. Puis les 2 mois qui suivent, j'ai 1 dilatation à faire par semaine. Et puis après, j'ai 1 dilatation à faire toutes les 3 semaines, un peu le reste de ma vie. Du coup, je suis pas sorti de l'auberge avec cette histoire-là. Mais le plus chiant, c'est quand même, je pense, les 4 premiers mois, là où j'en fais 4 et 3 par jour. Ça prend quand même pas loin de 4 heures parce que du coup j'ai 5 tailles différentes. 5 fois 10 minutes, ça fait 50 minutes plus le temps d'installer, de ranger et tout. Ça me prend vite une heure pour faire des dilates. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus que ça. Je me mets plein de petits godes les uns après les autres dans la chatte pendant une heure et puis après j'espère que j'aurai un vagin fonctionnel parce que quand même, ah oui, c'est quand même l'objectif de tout ça. On ne dirait pas, mais je passe vachement de temps à faire ça. C'est quand même dans le but de me faire pénétrer un jour. Parce que si ça m'intéressait pas, je ferais pas ça et je gagnerais vachement de temps. Et du coup, j'espère vraiment que la pénétration vaginale sera quelque chose de chouette. Parce que sinon, j'aurais vraiment l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps dans ma vie. En direct dans Pédale Scandale sur Radio Dio 89.5. Plein de courage à la copine pour sa convalescence et ses dilatations, ses nombreuses dilatations. Je pense qu'elle doit nous écouter là. Et on vient d'écouter le morceau Deviant de Gender Confetti. Et on va enchaîner avec un nouveau montage où la question était: avec quoi tu aimes te faire pénétrer, te pénétrer ou pénétrer? C'est pas forcément grave de se faire enculer. Ce qui serait grave, c'est d'y prendre goût. Bah oui. Tu prends goût ? Bah oui. L'objet avec lequel j'ai préféré me faire pénétrer, c'était un pied de biche. Le premier ersatz de plug que j'ai pris dans le cul était un pilon à mojito publicitaire. Des cailloux. Quand je baise avec une rivière, j'adore baiser aussi avec ces cailloux. Les mettre dans ma bouche, me baiser avec. Sans aucun doute, par des grosses choses comme un poing ou une batte de baseball. Moi, je rêverais de me faire pénétrer par un extincteur, un petit extincteur, pour espérer peut-être éteindre le feu au cul. Une fois, j'étais seul à la rivière et je me suis pénétré avec un galet assez long et fin. C'était trop bon. C'est la main douce, délicate et ferme de mon amoureux qui est rentrée dans mon cul. Et ça, c'était vraiment super. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé les sondes urétrales. C'est une grande tige en métal avec comme une sorte de petite olive au bout que tu te rentres dans l'urètre. Et en fait, tu peux le rentrer hyper loin. J'étais hyper surprise de ça. C'était génial. C'était un peu comme un test PCR de la bite. Moi, j'aimerais trop me faire pénétrer ou pénétrer par une rame sur un petit bateau. Pas loin dans l'eau, de préférence, parce que j'ai peur des profondeurs. J'ai pensé à une statuette d'une vierge en or, parce que j'aime bien le chic et le blasphème, et aussi parce que j'ai vu un film archi cringe qui s'appelle Benedetta, où une nonne lesbienne essaye de, genre, pécho tout son couvent, et se gode avec une mini-marie, voilà. Je préfère largement pénétrer les gens avec mes doigts, genre c'est clairement ce qui me permet le plus de ressentir la personne et d'avoir le plus de détails et de sensations précises, quoi, et de sentir la réaction directement, quoi. J'ai adoré baiser l'anus de quelqu'un avec un couteau électrifié. Je kifferais bien pénétrer quelqu'un avec une chaussure pointue, type Santiago ou escarpin de pétasse. Un dinosaure. En vrai, c'est une sorte de... Tu vois les marionnettes dans lesquelles tu peux mettre ta main. Eh ben, un truc comme ça, en plastique... En forme de tête de dinosaure. Par exemple, les pompes à vélo, c'est pas bien. Et on va enchaîner avec un long tuto dilatation anale. Alors, je vous préviens, ça a été enregistré à distance par téléphone et on a vraiment des téléphones de merde. Alors, des fois, le son est vraiment dégueulasse. Pardonnez-moi, monsieur, mais j'ai surpris votre conversation bien malgré moi. Il y aurait un club de sport ici, au quatrième ? De sport ? Oui, de fit-fucking, je crois. Quel est exactement ce sport ? C'est pas exactement un sport, en fait. Ça vient de l'anglais fist, qui veut dire le poing, et fucking. En gros, si vous voulez, ce sont des gens qui s'enfoncent le poing dans l'anus. Voilà, fist-fucking. Dans l'anus. Réellement. Comme c'est cocasse. You see, Ralph was a homosexual. A person who demands an intimate relationship with members of their own sex. So no matter where you meet a stranger, be careful if they are too friendly. If they try to win your confidence too quickly, and if they become overly personal. One never knows when the homosexual is about. The homosexual is about. The Et coucou les copines, et ben je voulais vous appeler aujourd'hui parce que j'ai rencontré un nouveau crush. Il est trop bégé, j'ai trop hâte de vous le présenter. Et figurez-vous qu'il m'a proposé de réaliser un de mes fantasmes. Il pratique le fist et il veut me fister. Et le seul problème, c'est que moi je pense que mon cul, il est pas du tout assez dilaté pour ça. Alors je me suis dit, je vais appeler mes copines slut préférées pour avoir des petits conseils dilatation. Il va bientôt y avoir du changement. Tu pourras réaliser tout ton potentiel. Je suis le Iron Fist. Coucou mon cœur, ah là là, j'ai trop hâte de voir la tête de ce BG. Mais, en attendant, On voit la taille du problème. Ouais, on aurait eu bien besoin aussi des conseils de notre connasse préférée. Mais elle doit être en train de cruiser dans des rues sombres de craie. Donc en attendant, je vais essayer de te conseiller au maximum mon car. Bon, déjà, premier ingrédient dans la recette, faut avoir un ou une BG. Ça, c'est trop bien, c'est le plus dur à avoir. Et tu l'as, chouchou. Du coup, ça, c'est chouette. Et surtout, un BG patient. Parce que s'il me la presse, toi, ça va tendre le cul. Le but, c'est pas que tu te fasses mal. Et en vrai, s'il fait du mal à ton petit cul d'amour, on le fume, ton BG. Alors, pour l'interlude lavement, moi, j'aurais dit déjà le premier truc, c'est une bonne pointe. Ça, c'est comme tout, hein, c'est perso. Moi, ce que je kiffe, c'est une poids qui propose plusieurs embouts, déjà. Parce que il y en a une, franchement, elle propose des embouts d'une taille, t'as même pas idée. C'est un vrai god sur patte le truc. Et du coup, ça fait que quand t'as pas fait du cul depuis longtemps, ou que, par exemple, en ce qui me concerne, ce qui concerne pas mal de copains, hein, on n'en parle pas assez, t'as des hémorroïdes, et ton lavement, c'est pareil. C'est comme le fils, faut y aller en douceur. Du coup, tu commences, et de toute façon, c'est rare qu'en ton lavement, tu arrives en une fois. Du coup, tu commences par un premier petit lavement avec l'embout le plus fin. Et ça, c'est le premier critère pour moi, qu'il y ait plusieurs embouts. C'est cool. Deuxième critère, bon, qu'elle soit rose. C'est pas grave. En vrai, je n'ai jamais vu de rose. Et en gros, il faut que quand même, je sais pas combien de millilitres il faut, mais il faut que ça soit une bonne poire, quoi. C'est pas comme les poires qui te filent en pharmacie pour te laver les oreilles. Troisième critère hyper important, c'est la capacité en eau. Voilà. Et du coup, moi, j'avoue, pas toujours faire ça salopétique. Du coup, faut trouver ça, je sais pas, sur internet, genre Amazon ou d'autres trucs comme ça. Celle que j'ai vue en mode shop éthique, non, circuit court, elles étaient soit super chères, soit je trouvais, moi, pas du tout adapté. Voilà, du coup, déjà une bonne poire. Bon, une fois que t'as ta bonne poire, mon chat, faut y aller, faut procéder au lavement. Du coup, le mieux, c'est pour moi, une fois que t'as fait caca. Après, on n'est pas toujours en mesure de calculer quand est-ce que on va faire caca, puis peut-être avoir l'occasion de ken à un moment. Voilà, du coup, ça, c'est l'idéal, mais c'est rare que ça arrive. En tout cas, c'est rarement arrivé, mais bon. Et après, bah, faut procéder au lavement. Le mieux, c'est que tu mettes de l'eau ni trop froide ni trop chaude, de l'eau tiède, pour te dilater le cul dans la poire. Si avant, t'as un peu envie de t'exciter, nanani. Sinon, tu peux aussi. Enfin, c'est cool de mettre un peu de lube sur ta poire. Et ensuite, tranquille, tu te la mets. Bah, c'est comme tout, hein. Si tu sens que ça fait mal ou quoi, soit hop, tu reviens au plus petit embout. Hop, tu presses au max, tu essayes de mettre le max de l'eau. Et ensuite, tu attends un peu, genre 30 secondes, histoire que hop, ça fasse une petite soupe au caca là, dans le tunnel à caca. Ensuite, hop, tu libères. Et là, normalement, tiens, il y a des trucs qui sortent. Ça, c'est mon signe. Les lavements, je le fais jusqu'à ce que l'eau qui sorte, elle soit plus ou moins claire, quoi. Du coup, ça peut être 2-3 fois. Et je trouve que c'est grave important de dire que même avec le meilleur des lavements, parfois, il y a des petits accidents. Et que franchement, les partenaires qui sont pas prêts à... prête à avoir un tout petit peu de caca sur le doigt, sur d'autres parties et tout. En vrai, ils vont ailleurs, hein. Je sais pas quoi leur dire. Le tunnel à caca, ça s'appelle l'intestin. Et aussi, moi, des fois, j'en fais plusieurs à la suite parce que je trouve que ça marche mieux. Mais par contre, je fais pas des lavements tous les jours, hein, parce que je crois que c'est pas très conseillé de faire des lavements tout le temps. Et 100% d'accord avec toi, mon cœur. Je crois que la limite, c'est une ou deux max pour des trucs genre d'irritation des parois. Mais plutôt de faire plusieurs lavements sur le moment, en fait. Oui, c'est ça. Il faut plusieurs lavements si nécessaire, jusqu'à ce que l'eau soit claire. Mais pas en faire tous les jours. Bon, après, des fois, on a envie de faire du cul tous les jours, alors on s'arrange comme on peut. Et moi, par exemple, j'ai quand même des grandes hontes pour tout ce qui est caca et tout, et qu'il y a des moments, ça apprenait pas mal de trucs. Et que du coup, tu peux jouer quand même sur d'autres trucs. Que ça soit prendre des gouttes de couleur pas trop foncé. Les gants noirs aussi pour les doigts, c'est cool. C'est RDR et puis ça fait qu'on voit moins. Tu peux jouer sur la lumière aussi, genre un peu kinky, rose, un peu plus sombre et tout. Voilà, en vrai, l'environnement aussi et tout, le lavement, ça fait pas tout, quoi. Petite interlude, gants noirs. Juste les gants noirs, c'est trop sexy. Ouais, la putasse d'amour, elle a fini de faire du soin, trop cool. Et bébé, on faisait une interlude lavement. Mais du coup, si t'es là, on peut repartir sur la question de notre autre pétasse d'amour autour du fist. Parce qu'on a envie que le pote se fasse quand même bien fister dans des conditions merveilleuses. Bonjour les pétasses, oulala, désolé, j'étais vraiment sur des missions, j'étais sur un plan cruising et puis en fait j'ai trouvé de quoi faire du soin. Voilà, c'est mon petit côté infirmière, j'adore. Pour rejoindre un peu la conversation, moi j'avais juste quelques petits trucs à rajouter sur le lavement. Pour les personnes qui, comme moi, peuvent contracter des hémorroïdes de temps en temps, j'ai tendance à lubrifier mon embout avec, roulement de tambour, de la crème contre les hémorroïdes. Voilà, je pourrais vous donner des références de crème anti-hémorroïdes à l'occasion. Titanoréine, c'est pas mal notamment. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai jamais réussi à avoir un cul parfaitement propre. Des fois, avec le lavement, j'avais le cul plus sale que si je m'étais pas lavé. Mais bon. Oui, effectivement, les gants, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. En tout cas, si tu n'utilises pas de gants, c'est bien, je pense, de te couper les ongles et d'avoir une bonne hygiène au niveau de tes ongles. La lime à ongles est vraiment ton meilleur ami. Et le coupon aussi. Ensuite, première étape, évidemment, il s'agit de l'anulingus. Pour moi, vraiment, étape primordiale pour préparer un cul. Voilà, si pas d'anulingus, de la bave et des doigts qui caressent. Un petit vibro bien lubrifié qui va stimuler un petit peu en douceur l'anus. Des gens qui utilisent le popper, j'ai pas envie de vous influencer sur la consommation de stupéfiants, bien que le popper soit un produit légal. Ah si, il y a pas longtemps, on m'a donné un super conseil. On m'a parlé d'un lubrifiant. Attention, c'est une pute professionnelle qui m'a donné ces références-là. Alors, je vous dis pas de la merde. Ça a été vérifié et survérifié. C'est pas juste une salope, c'est une super salope. Et alors, c'est un lubrifiant qui s'appelle Fistit. C'est un lubrifiant qui a la capacité, qui a ses propriétés. Il y a des produits dedans qui font que finalement ça détend musculairement l'anus et la paroi anale. Voilà, du coup apparemment vraiment bien. Ouais, et que du bon conseil qu'elle dit la copine sur le moment. Et en fait, avant, moi, ce qui m'aide pas mal, c'est pas direct faire bisous, peut-être tu roules une pelle, tu mets la langue, oh là là, et ensuite, bim, fisting, quoi. Ce qui est cool, c'est que ça peut être faire un peu de la pénétration anale la veille, ou le matin même, ou je sais pas, le midi... Tu te fais un petit moment, hop, tu t'auto-ken. Et si c'est un moment où tu sais que tu vas te faire fister, t'as une heure fixe et tout, en fait, tu viens avec un petit plug avec lequel t'es confort. Comme ça, en plus, il a un peu le plaisir de te l'enlever. On adore, moi, je trouve ça trop sexy. Et aussi, voilà, d'y aller graduellement, quoi. Par des doigts, des objets, des codes, tout ce que tu veux, des parties du corps, ça tue. Comme ça, en fait, ton cul est déjà un peu dilaté. Tout ce qui détend et qui met en confiance, on adore, quoi. Vraiment, y aller petit à petit jusqu'à te faire fister et te prendre une sacrée perche, mon car. Et aussi, j'avais une petite question. Qu'est-ce que vous pensez des plugs qui se gonflent pour dilater l'anus? Alors oui, effectivement, la pompe à dilatation anale, Bah écoutez, c'est pas mal. Là, ça n'aide pas à dilater l'anus. Hein. L'anus étant la partie externe visible du rectum. Bon, je m'y connais vraiment fort en anatomie. Hein. J'ai pas fait un bac SVT, mais j'ai quand même quelques connaissances. Vous en doutez. Voilà, du coup, non, ça gonfle un petit peu l'intérieur du cul, quoi. C'est-à-dire que c'est comme un ballon de baudruche qu'on va gonfler dans ton anus, quoi. Que tu peux gonfler, dégonfler, regonfler, dégonfler. Et alors, c'est super agréable, je trouve. Mais ouais, bah, bon, pour un peu transparente vis-à-vis de toutes les pédales qui nous écoutent, on l'a testé ensemble avec notre copine, cette pompe. C'est très cool, hein. Très, très cool. Même s'il faut faire attention à bien savoir avant... bien connaître le bouton dégonfler parce que c'est très cool mais c'est très subtil et que parfois c'est pressant de dégonfler. Nos grandes AFM fisteuses, il y a Ivaz qui parlait des ongles, qui a commencé à parler des ongles et tout. Et grande question, comment est-ce qu'on fait pour fister ou même doigter avec si on s'est fait poser les capsules ou quoi? Et à ça, alors, il y a plusieurs solutions. Bah, moi-même, je relime derrière 2 ongles sur 10. Sinon, mais jamais testé. On m'a parlé. L'espèce de mini capote que tu mets sur tes doigts et que ça fait que après ensuite les ongles bon, voilà ils sont pas tranchants et sinon dernière option en vrai c'est de te faire les ongles mais vraiment avec une petite longueur comme ça au moment de fister tu peux quand même bien serrer le poing et les ongles en fait ils posent pas de problème. Ah mais oui, les capotes de doigts, moi je connais les capotes de doigts. C'est des trucs qui s'utilisent aussi en cuisine quand tu te coupes les doigts avec des gros couteaux. Mais je vous en trouverai les copines. Alors on m'a parlé d'une autre option, vous n'allez pas en croire vos oreilles, ni vos yeux, ni vos doigts, ni vos culs. Ou peut-être que si, hein, peut-être que voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude. D'ailleurs c'est pas moi qui ai inventé cette option. Encore une fois, hein, des salopards d'éthérie qui m'ont donné leur tuyau. Et ben il s'agirait en fait de mettre par exemple du coton sous les ongles, sous les capsules ou sous les faux ongles, sous nos ongles longs finalement. Peut-être de mettre un pansement tout autour ou quoi pour que ça tienne. Et puis ensuite bah, d'utiliser un gant, j'allais dire en latex, mais on a des personnes qui sont allergiques au latex, hein, n'est-ce pas? Du coup, voilà, à voir aussi, hein, il y a toujours hein, la matière des objets qu'on utilise. Ça ne peut pas créer de réaction allergique, hein, ça peut être très désagréable. Bon, je vois que vous me connaissez bien, on ne peut rien cacher aux auditeuristes. Oui, effectivement, je suis allergique au latex. Alors pour les gens allergiques au latex, on pense bien aux gants en nitrile. Parce que sinon, ça crée des irritations vénères. Et là, c'est loin d'être agréable. Ça devient vraiment très désagréable les jours suivants. Vous avez d'autres conseils à ajouter, les copines? Non, bah, j'adore là cette ligne d'urgence, urgence fisting. N'hésite pas à nous raconter en audio, en image si consenti, même si sinon on pourra faire une reconstitution de comment ça s'est passé pour les besoins de Radio Pédale Scandale, bien sûr. Voilà, c'est purement, purement pour la radio qu'on ferait ça. Des gros bisous d'amour sur vos anus hémorroïdés, allergiqués au latex et propres ou pas d'ailleurs, je m'en fous. Je vous aime. Bon ben moi je vous laisse aussi les copains parce que ben j'ai rendez-vous avec mon BG et merci pour tous vos merveilleux conseils de slot. Le fist c'est peut-être pas pour ce soir. Mais en tout cas, je pense que après toute cette discussion, on va bien baiser. Et ouais, dernier petit truc à caler quand même, pour toutes les pédales qui nous écoutent, si vous baisez avec une meuf trans ou autre côté du genre qui sort monosostro, oubliez pas que c'est pas parce que la personne bande pas qu'elle prend pas de plaisir. Voilà. Des bisous. Moi. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, je suis pas le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois en corps et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Et voilà, vous êtes toujours en direct dans Pédale Scandale sur Radio Audio 89.5. Je sais pas, vous avez peut-être d'autres conseils dilatation anale dans les studios ou pas? Non, je crois que tout a été dit là. Tout a été dit. Merci vraiment les copines, vous étiez parfaites. Bon, par contre, on va investir dans des nouveaux téléphones pour au moins une d'entre vous. Eh ben, malgré tout ce qu'on vient d'entendre, c'est pas facile pour moi d'écrire sur mon rapport à la pénétration, en fait. Sûrement parce que celui-ci, il a été bien fucké pendant un paquet d'années. En commençant par des doigts dans le cul enfant par une personne adulte proche, puis une vie de tox et donc une sexualité que sous prod. Une bonne répute de salope, parce qu'avec une sexualité considérée comme déviante et un peu sans limite, et donc pas mal de mises en danger, plusieurs viols, de la pression de la sexualité et des dépassements de mon consentement, et pas que par des mecs cisettes, je vous assure. J'étais un PD trans placard, perçu comme une meuf bi dans des milieux TPG féministes, mais j'ai jamais trop aimé les injonctions, et notamment celles qui voudraient que la pénétration, c'est forcément mal, et que ça fait de toi une mauvaise féministe d'aimer ça. Je crois que j'ai un peu toujours assumé mon côté slut. Puis après de nombreuses agressions, j'ai dû faire une grosse pause de sexualité pendant plusieurs années pour pouvoir me réparer un peu et par la suite réfléchir à mes envies, mes désirs, mes limites et reprendre le pouvoir sur ma propre sexualité. J'ai commencé à faire du TDS et à pratiquer la domination et vraiment à adorer ça. Pénétrer des mecs, jouer avec leur cul et leur prostate, un vrai bonheur, méga excitant pour moi. Ouais, du coup, c'était une manière de reprendre du pouvoir pour moi dans ma sexualité avec des mecs cis en sortant du rôle de personne forcément pénétrée. J'ai aussi au même moment arrêté le couple et de voir la sexualité forcément liée à une relation amoureuse. C'était le moment de vraiment explorer le sexe avec les potes et à plusieurs, le BDSM et les espaces de sexualité kinky. Puis je suis enfin sorti d'un nouveau placard. J'ai transitionné, une transition très tardive, pas du tout la même que transitionner à 20 ans. Enfin, j'allais pouvoir assumer désirer des PD6, découvrir la sexualité PD, ces espaces de sexualité spécifiques, les saunas, le cruising, une sorte de rêve qui pouvait enfin se réaliser. Mais voilà, il me restait encore un gros problème. J'ai pas de vraie bite, mais bel et bien un vagin. J'ai aussi un diclite et surprise aussi un anus, et pas juste un vagin. Mais alors, sans bite, vous captez bien que ça ne va pas être que simple la sexualité PD. D'abord, il y a les PD6 qui ne me désirent pas, parce que je n'ai pas de bite et pas un corps de vrai mec. Ok, soit les chouchous, c'est ok de désirer certains corps et pas d'autres. Ça ne fait pas de vous, selon moi en tout cas, d'affreux monstres transphobes. Par contre, assumez-le. Ne rentrez pas, s'il vous plaît, dans l'hypocrisie de l'inclusivité obligatoire qui voudrait qu'on doive avoir envie de baiser avec n'importe qui. Soyez honnête et surtout avec vous-même. Vous éviterez ainsi de nous blesser et de défoncer l'estime de soi d'un bon nombre de mecs trans. Ensuite, il y a les mecs cisbi qui veulent absolument me baiser la chatte comme ils baisent leur meuf ou encore ceux qui sont encore dans le placard ou en sortent tout juste et qui se disent que ça va quand même être vachement plus simple et moins perturber leurs habitudes sexuelles d'avoir des relations avec des mecs trans. Ceux-là, on les trouve sur Grindr, mais surprise, pas que. Aussi beaucoup dans les milieux militants où c'est très bien vu d'être un mec cis hétéro. Là, surtout, on fuit les discussions sur le cul, le désir, les envies, et on voudrait me baiser comme une meuf. Après tout, tu restes une personne avec un vagin, peu importe que ça me ramène à mon assignation de naissance, à de la sexualité hétéro que j'ai fui depuis longtemps. Et si j'essaye d'en discuter, de proposer d'autres manières de faire du cul, eh bien, c'est la fuite. démerde-toi avec tes ressentis et tes traumas, parce qu'il faudrait pas trop les bousculer non plus, les chouchous. Merci. Encore une grosse claque pour l'estime de soi. Reste alors ceux pour qui c'est ok de faire du cul avec des mecs trans, mais pour qui c'est une évidence que c'est eux qui vont me baiser. Les actifs, comme on dit dans le milieu. Qui n'imaginent même pas une seule seconde que je puisse, moi, avoir envie de les pénétrer, vu que de toute façon, je n'ai pas de bite. Alors que vous savez quoi? Ben, des bites, moi j'en ai plein, des petites, des moyennes, des grosses, dans différentes matières, de différentes textures, de différentes couleurs, que je peux accrocher à un magnifique harnais DIY. J'ai aussi des doigts, une langue, des poings et même plein d'autres objets avec lesquels j'aime baiser vos petits ou gros culs. Et il paraît même que je sais pas trop mal m'en servir. Mais voilà, pour certains, c'est pas possible de se faire baiser par autre chose qu'une vraie bite. Et qui me l'a payé mon OP pour avoir une vraie bite? Du coup, tout ça, ça fait que partager du cul et s'amuser, eh ben, ça reste vraiment plus simple de le faire avec des pédales trans. T40, quoi. Alors que j'aimerais bien, à plein de moments, que ça change. J'aimerais pouvoir faire du cul avec des PD6, que je trouve sexy et pour qui j'éprouve du désir, sans être ramené au fait d'être trans et une personne sans bite en permanence. Mais j'ai l'impression que c'est pas pour demain que ça va changer. Heureusement, il me reste toujours mes slots préférés. C'est le avec qui le cul, c'est à la fois du fun, de la douleur, de l'expérimentation, de la pénétration avec des objets plus ouf les uns que les autres et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Vous vous reconnaîtrez, j'en suis sûr. Des bisous sur vos anus, bitches. Nous sommes donc dans l'arène de Bourg-la-Reine à se préparer pour cette deuxième étape de JO du cul. Nous voyons les concurrences installées par équipe sur disposées à leurs quatre étapes. Pour la grande course relais en double god. De 4 x 400 mètres, donc 4 passages de relais. Et toute la subtilité dans cette épreuve est le passage du relais. Où il est interdit de mettre les mains ni les dents. Et oui, car on se situe à un passage cucu, cubouche. Ou bouche-bouche. C'est une épreuve d'apnée également. Et donc l'équipe bleue qui commence à s'installer sort une capote là où l'équipe rouge utilise des capotes annelées. Peut-être pour une meilleure adhérence. C'est un choix stratégique. Pas évident au moment du passage de relais. Tout l'enjeu de cette course est de mettre du lubrifiant pour le passage de relais, mais pas trop pour ne pas échapper le god en cours de course. J'ai l'impression que sur la ligne de départ, nous n'avons des personnes qui ne partent que avec un god dans le cul. La bouche n'a pas été choisie pour la première étape, mais nous pouvons voir au loin, dans le passage de relais, deux équipes qui prévoient de se faire un passage cul-bouche. Je suis très curieux de voir ça, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. C'est assez récent qu'on autorise la bouche, et a priori pas les dents. Le passage de relais est pas facile, pas facile. Bouche, bouche. Et ils sont bien partis, mais quand ils se retirent, c'est toujours le premier joueur qui a gardé le god dans la gorge. Et il faut donc recommencer. Tandis qu'à côté, l'équipe verte fait un passage anus-anus. Tout se passe pour le mieux, a priori. On voit une belle maîtrise. On sent que cette équipe joue ensemble depuis très longtemps. Passage en douceur. A contrario de l'équipe marron, arrivé de plein élan dans un passage de relais brutal. Il a l'air crispé, mais court. Car on se rappelle, une des règles importantes du passage de relais est aucun bruit, aucun cri au moment du passage de relais. Et c'est donc l'équipe jaune qui arrive avec une équipe mixte qui arrive en premier. Il est donc intéressant de voir cet équilibre anal-bouche pour tenir sur la longueur. Et nous allons interviewer le numéro 5 qui a fini avec le god dans la bouche. Merci bravo, beaucoup pour ce témoignage. Il avait l'air un peu bleu. I've been looking for a muse, need a new persona. Put your picture on the wall, you my new Madonna. Sorry, darling, I've been down for a couple summers. Falling back in the crowd, smoking marijuana. I've been angsty, I've been hurting. I've been trying, shit ain't working. Yeah, I dream big, yet I decent. These days, I don't know what I believe in. Yeah, I've been down, but I need that. Shut shit down for you, Eastside boy. Yeah, I know I've been down, but I need that boy. Shut that shit down for you, Eastside boy. Man, fuck this pity party. When I'm back up, I'm shooting shots at everybody. Fuck all you niggas, y'all do not support nobody. Show up for y'all, but y'all don't show up for Lil Nazi. Look how I open doors and everybody run in. A lot of y'all are just my peers, y'all ain't my friends. A lot of y'all say y'all love me, I just pretend. A lot of y'all watch me drown in that deep end. Yeah, I've been down, but I need that boy. I'll shut shit down for you, Eastside boy. Yeah, I know I've been down, but I need that boy. I'll shut shit down for you, Eastside boy. Oh, I think I need that boy. I think I love you. I think I love that boy. I think I wanna get up on him, ride up on that boy. I think I wanna get up on him, ride up on that boy. Yeah, I think I wanna ride. I think I wanna ride. Shut shit down for you, Eastside boy. Vous écoutez toujours Pédale Scandale sur le 89.5 de Radio Dio ou sur radiodio.org. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre écoute. On espère que ça vous a plu. Et on va finir par un petit agenda des prochains événements sur Saint-Étienne. Pour le 14 février, il y aura deux choses. Donc, des rencontres antispécistes au Remue-Méninges de 18h à 20h. Et en parallèle, une formation anti-répression avec le CACIS à 18h30. C'est sur inscription. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à l'adresse cassis42@riseup.net. Le 16 février, il y a la cantine pour cantiner qui... Mince, j'ai oublié pour qui elle sera cette fois-ci. Et on soutient Captain Support, qui est un collectif qui soutient les personnes criminalisées aux frontières, et notamment les personnes accusées d'être capitaines des bateaux qui traversent. Merci. Ensuite, le 19, il y aura une présentation des livres de Mathias Quéré et Robin Josserand au Remue-Méninges. Le 21, il y aura un concert de soutien à la Gueule Noire, pour la Gueule Noire, c'est ce qui me semble bien, avec notamment le groupe Pédale. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Pour la prochaine émission, on parlera de la cancel culture. Si je me souviens bien. Non, pas du tout. C'est le mois d'après. Non, le mois prochain, on parlera du livre de Mathias Quéré, Quand nos désirs font des ordres. Voilà. Désolé, petit spoiler. teasing plutôt. Du coup, le mois d'après, dans le cadre du festival de la Laverie sur la justice, où il y aura plein de trucs sur Radio Dio qui vont se passer, Pédale Scandale, on parlera de cancel culture. Et on vous laisse avec un dernier petit montage qui parle de la sensation de nos trous et un morceau de Dépêche Mode qui s'appelle Dirt. Et on vous dit au mois prochain. Bisous. Bisous. À tout bientôt. Bisous. En fait, c'est que je pense que ce qui est problématique avec cet imaginaire-là, c'est qu'on imagine que le pouvoir est toujours entre les mains du pénétrant. Oui, mais ouais, que ouais. La personne qui est pénétrée n'a pas de pouvoir, tu sais. Décris-nous la sensation d'un de tes trous. Oh là là. Mais la bouche, je sais pas, c'est humide, c'est moite, c'est doux. Et en même temps, il y a les dents qui font que, genre, à chaque moment, tu sais que t'as la capacité de faire mal à l'autre, que ce soit sur les doigts, une queue ou autre. Et j'aime bien cet entre-deux et les lèvres que tu peux vraiment micro-bouger. Et avec la langue, tu peux faire plein de trucs. Enfin bref, moi, j'aime bien être pénétré. J'aime bien prendre des trucs dans ma bouche, quoi. Alors, le cul. Chaud dans la nuque et impression que c'est beaucoup plus long que ça en a l'air. petit panel de sensations dans l'oreille entre la douleur d'un bouchon de cire et le gros kiff que peut être une langue. Malgré l'impatience et l'humidité, c'est toujours sous une poussée douce et franche que mon deuxième sphincter comprend qu'il doit sourire grand. D'un sourire extatique, sans dents et profondément électrique, inondant la surface de mon corps d'un champ de force bleu, comme sur un vaisseau Star Wars. Pour moi, me faire pénétrer le cul ou juste le toucher, c'est comme quand tu te grattes le dos, que tu cherches où ça te gratte fort, et d'un coup tu trouves l'endroit, et là c'est vraiment explosion intense de plaisir. Ma sensation de trou préférée, c'est d'être rempli, quel que soit le trou. Je trouve ça hyper apaisant et très excitant. En fait, j'ai envie de parler d'une de mes narines, parce que j'ai fait une découverte surprenante hier. J'ai la grippe, et j'ai mis du pchit-pchit nasal, et j'ai vraiment essayé de comprendre ce qui se passait dans mon nez, et en fait, j'ai trouvé que les sensations, elles étaient un peu similaires à une éjac interne, tant dans genre le soulagement que j'ai pu ressentir, que après le moment un peu chiant techniquement où ça s'est mis à couler.